des champs. Et derrière lui, il n'y a que du vent. Couché dans la soie blanche, il vit son temps comme il veut les chiens. Il compte autant d'amis que ses cheveux gris. Ils n'ont pour seule histoire que celle de ses dollars. Mais nous les pauvres fous qui rêvons de ces sous,